chez moi. J'esquive devant les autres ce qu'il y a entre nous. Pour pas souffrir, parfois faut ignorer. C'est pas mentir si t'as rien demandé. J'ai donné du love, même sans dire je t'aime. Tu n'as jamais autant reçu d'amour d'un homme. J'ai tapé les bibis, même avant qu'on se dise qu'on est ensemble. Est-ce si important que tout le monde soit au courant pour nous deux? Comme un tour de magie, j'ai dit je t'aime sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. Je parle très peu, j'agis, c'est comme ça que tu m'aimes. Comme quand on est tous les deux seuls dans la douche. J'ai mis mon cœur à ta taille, ta ta. Mon cœur à qui, mon cœur à ta taille, ta ta. Tu n'as pas confiance quand je ne dis rien, je n'ai pas confiance dans les mots. Crois en mon silence, que des sauts sont infos. J'ai adopté ton sourire, jamais je ne ferai défaut. Ne gâche pas pour rien ce qu'il y a entre nous. Depuis que l'amour m'a sonné, dis-moi ce que je ne t'ai donné. Tu voudrais être exposé à tous mes abonnés. Crois-moi, c'est me si on est caché de tous les haineux. Qui a la première occasion de me voir t'abandonner? Je t'ai donné du love, même sans dire je t'aime. Tu n'as jamais autant reçu d'amour d'un homme. J'ai tapé le bibi, même avant qu'on se dise. On est ensemble. Et si important que tout le monde soit au courant pour nous deux. Comme un tour de magie, j'ai dit je t'aime sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. Je parle très peu, j'agis, c'est comme ça que tu m'aimes. Comme quand on est tous les deux seuls dans la douche. J'ai mis mon cœur à ta taille, ta ta. Mon cœur à qui, mon cœur à ta taille. C'est parce qu'ils voudront nous désunir. J'ai vu des gens s'entretuer, arracher le cœur sans pitié. Et tout ça parce qu'ils supportent pas le bonheur des autres. Ton beau visage ne doit pas exprimer autre chose que la beauté destinée à rendre heureux, chérie, dès la vierté des nôtres. C'est parce qu'on te voit pas, parce qu'on ne t'entend pas, qu'on ne peut pas m'atteindre sur les réseaux. Même si on te voit pas, je te vois. C'est suffisant, restons loin des autres. Je t'ai donné du love, même sans dire je t'aime. Tu n'as jamais autant reçu d'amour d'un homme. J'ai tapé le bibi, même avant qu'on se dise qu'on est ensemble.